et qu'il parle de moi, qu'est-ce que ça peut me faire? Quand ils sauront le bois, moi, je saurai le faire. Et s'ils sont trop nombreux, je deviendrai le feu. Mon nom se porte comme une peine, comme une croix, comme un fardeau, comme le vent qui se déchaîne sur le plus petit des bateaux. Mais il faut que tu te souviennes, tant que je vis, je reste fort. Tant que leur sang brûle mes veines, les femmes me trouveront encore. Mon nom se porte comme un couteau qui transperce le cœur et l'âme et laisse graver sur la peau la marque brûlante des flammes. Mon nom traversera le temps, même 1000 ans après ma mort. Et tant qu'elles voudront vraiment, les femmes me trouveront encore. Allez, parlez de moi. Qu'est-ce que ça peut me faire? Si vous êtes le bois, moi, je saurai le faire. Si vous dites le mal, ça me serait égal. Mon nom se porte comme un signe pour celle qui rencontre le diable, un signe de croix invisible qui rend les puissants misérables. Mon nom est celui que j'entends sur les mots brûlants de leur corps. Et tant qu'elles le voudront vraiment, les femmes trouveront encore. Mon nom se porte comme un piège où les proies aiment à se donner, comme une faute, un sacrilège, un péché pour l'éternité. Mon nom sera une étincelle qui brillera de plus en plus fort. Et tant que l'amour est cruel, les femmes trouveront encore. Mon nom c'est le cri de l'amour quand il sera beaucoup trop tard, le cri d'un appel au secours qui brûlera dans leur mémoire. Mon nom est un feu immortel pour celles qui peut-être ont eu tort. Mais tant que leurs yeux me rappellent, les femmes trouveront encore. Mon nom se porte comme un piège où les proies aiment à se donner, comme une faute, un sacrilège, un péché pour l'éternité. Mon nom sera une étincelle qui brillera de plus en plus fort. Et tant que l'amour est cruel, les femmes me trouveront encore.